Enregistrement, départ dans 3 minutes. Asseyez-vous confortablement. Relax. Vous avez le droit de fermer les yeux pour vous concentrer gentiment. Radiotopia, nouvelles du monde. Bienvenue à toutes et à tous à ce plateau radio dédié au territoire utopique. Je souhaiterais revenir en introduction sur le sens du choix du plateau radio et donc de mettre en avant ce médium qu'est la radio. Avec Nicolas Tixier, nous avons souhaité mettre donc en avant l'idée de créer une plateforme de mission rayonnante dépassant les limites, peut-être un petit peu anachroniques, de la Biennale, de cette manifestation éphémère qui mobilise tant d'énergie et de moyens pour une durée relativement courte, tous les 2 ans, ici au Giardini. Donc, dans notre idée initiale, le Ball Theatre devient véritablement une antenne, et c'est ça qu'on voulait retenir et l'image qu'on voulait retenir pour ce laboratoire sonore. Bon, comme on le sait, la radio, c'est un des premiers moyens de communication de masse. C'est une technologie qui a suivi de 2 décennies le réseau télégraphique et au début était utilisée comme alternative au réseau télégraphique. Plus tard, le simple signal du langage morse devient voix, son, musique, grâce à l'invention du modulateur d'amplitude. Donc à partir de ce moment, la radiophonie va devenir une plateforme d'émission à échelle globale en transmettant du concert à l'information, en passant par les pièces radiophoniques, mais aussi plusieurs discours politiques de propagande qui ont marqué le cours de l'histoire. Et on a une très belle illustration de cette idée par l'installation permanente pendant cette semaine conçue par Giuseppe Gavazza avec Alessandro De Cecco, donc Radio Vega, qui conserve des informations données année par année et qui ont marqué au niveau des faits le cours de l'histoire, mais qui en même temps restitue aussi cette épaisseur du son qui donne une forme de contextualité au message. On en a parlé largement hier pendant le plateau consacré aussi à cette question de l'émotivité qui est retransmise par un document sonore. Donc, juste pour citer quelques exemples, de discours célèbres qu'on retient et qu'on a probablement écouté, réécouté, et qui ont donné un sens particulier à certains moments de l'histoire. Par exemple, le célèbre discours de Martin Luther King, I have a dream, qui a été transmis en direct par radio, marquant un tournant décisif dans le mouvement américain des droits civiques. Ou encore le président Truman, lors de son annonce dramatique du lancement aux Américains du lancement de la bombe atomique sur Hiroshima le 9 août 1945. Mais cette idée de la transmission à grande échelle de l'information a été reprise aussi par d'autres auteurs qui ont joué sur l'ambiguïté aussi de ce médium. donc des informations qui ont été retransmises à une grande collectivité et qui ont joué aussi sur le pouvoir fictionnel du récit historique. Je me réfère, à titre d'exemple, à Orson Welles, qui, le 30 octobre 1938, diffuse une adaptation radiophonique de La guerre des mondes, une histoire d'une attaque extraterrestre en cours qui aurait causé un mouvement collectif de panique. Bertolt Brecht verra dans la radio les prémices d'un réseau de communication interactif, d'un dispositif remplaçant le théâtre, la conférence et le journal. Le dramaturge imagine un réseau capable de faire parler, écouter, de créer des relations plutôt que de l'isolement, grâce à un vaste réseau de conduits. Donc, dans ce sens, on avait envie de convoquer le médium de la radio. Ce qui nous stimulait, ce qui nous intéressait, c'était son pouvoir de diffusion au-delà des limites physiques et temporelles de cet instant précis. Dans ce sens, la radio devient un territoire utopique en soi, donc une plateforme pour éveiller notre désir d'imagination. Mais il est temps maintenant de venir à l'introduction et à la présentation de notre invité spécial. Donc Marco Assennato est philosophe et docteur en architecture, enseignant à l'ENSA Paris Malaquais et co-directeur du laboratoire Architecture, Culture, Société. Sa thèse et plusieurs de ses écrits portent sur l'œuvre de Manfredo Tafuri, sous le prisme de l'enquête philosophique. Marco est aussi directeur de la collection Fondamenta chez Cariatide et co-auteur avec Yann Rocher de la première traduction en français du dialogue Parere sull'architettura, publié par Giovanni Battista Piranesi en 1765, et donc traduit en Point de vue sur l'architecture. Sous forme d'un dialogue théâtral et de personnages fictifs, représentant un rigoriste et un libertin, ou comme tu le définis, un proto-romantique, ou bien en reprenant l'éternelle dialectique entre une interprétation de l'art de bâtir comme rigueur logique ou libre ornementation, le texte est une contribution théorique significative et radicale de l'architecture moderne. Donc merci Marco d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors, le rôle de Marco à la fois de présenter ce travail, ce texte, mais on y reviendra plus tard. En fait, dans la conception de ce plateau radio, nous avons aussi des invités virtuels, c'est-à-dire des personnes que nous avons interviewées ou auxquelles on a demandé des témoignages, des récits que nous allons retransmettre. Bon, c'est une formule qu'on a déjà un petit peu expérimentée pendant le premier jour, notamment. Et donc, l'idée est aussi de soumettre au regard de Marco d'autres récits qui, quelque part, j'espère, trouveront un lien avec tout le déroulement de ce plateau radio. Et donc, le premier document sonore, on reviendra à Piranesi plus tard, c'est un extrait d'un entretien avec Werner Oechslin. Donc, Werner Oechslin est un historien de l'art et de l'architecture et professeur émérite au Polytechnique de Zurich. Ses contributions à l'histoire de l'architecture du XVe siècle au XXe siècle ont été publiées à échelle internationale. Werner Oechslin est aussi le fondateur de la Stiftung Bibliothek Werner Oechslin à Einsiedeln, qui conserve en fait énormément de traités extrêmement rares et précieux de la théorie de l'architecture, mais je dirais aussi au-delà de la discipline qui nous concerne. Parmi les différentes publications, Werner Oechslin est aussi l'auteur, avec Anya Bouchov, du livre « Festarchitektur », donc un livre qui a été traduit en différentes langues, et donc en français, c'est « Architecture de fête ». Donc, pourquoi convoquer cette autorité? Le lien, je pense, est assez évident, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Le titre du pavillon, le Ball Theater, porte une deuxième partie qui est « La fête n'est pas finie », donc une sorte d'affirmation de la part des commissaires du pavillon. Cette question de la fête, bien sûr, elle a interrogé, elle mérite aussi d'être questionnée, d'être définie, parce que nous sommes dans un moment de crise, qu'on partage tous, et l'idée évidemment n'était pas simplement de prendre cette notion à la légère. Pourquoi la fête? Bon, je pense qu'on laissera directement parler Huxley, mais l'envie, c'était de lui, justement, de lui poser une question d'un point de vue d'une culture très érudite et humaniste. Quel est le sens de cette architecture de fête dont il en tire un ouvrage entier, et le sens premier donc de ce rituel collectif qui semblerait est aussi une sorte d'exigence innée de l'être humain. Donc on passe l'extrait, merci. Naturalmente tutte le traduzioni di festa architecture sono sbagliate. Non corrispondono a un contenuto che è di una grande ricchezza. Anche il termine tedesco, Festarchitektur, che sembra prestarsi meglio, è una cosa artificiale, nuova, quasi inventata da persone come me, che avevano bisogno di un termine per coordinare o ordinare alcuni fenomeni. Ma è meglio parlare della festa, perché la festa ha un posto sia nell'etimologia di tante culture, sia nella storia dei contenuti stessi. No? Ci sono parecchi filosofi che ne hanno parlato, e spesso i filosofi ne parlano in toni elogiativi e rifiutano di voler definire troppo da vicino. Perché se si comincia a dire, ecco, festa equivale carnevale o equivale fuochi d'artificio, già si limita, si comincia a limitare un fenomeno che è molto più ricco. È molto meglio, molto più adatto cominciare semplicemente dalla natura umana e dire noi siamo fatti per fare delle feste. L'essere umano non è una bestia che lavora entro termini definitivamente codificati, no? È una cosa che vive. Quindi festa e vita sono le cose che si sposano, no? E naturalmente la vita ci lascia un po' disperati in questi momenti, ma io ho vissuto feste nelle situazioni più orribili, no? Fatte con persone che erano in situazioni più assurdi o pericolose, no? La festa poteva in ogni situazione aiutare a ritrovare la vita, a ritrovare se stessi, a ritrovare l'umanità o l'umanesimo, come vogliamo, o quelle che noi crediamo di voler mettere insieme con la natura umana. Quindi la festa è quello. E la vita è un'espressione di vitalismo nella vita, e dobbiamo cominciare lì. Ho per caso cercato, adesso che tu hai fatto l'introduzione, un libro, perché ha una citazione che a me è sempre importante. È l'inizio del quarto libro di Alberti, che si occupa degli edifici pubblici. Quindi già qui anticipo. Festa naturalmente comincia lì quando io ho un partner, cioè con me solo non faccio una festa. No. Posso fare, ma non serve, non mi sembra sia una vera festa. Ci vuole due, tre, forse un po' di più. Se c'è una folla troppo grande dove tu ti perdi, forse non è più festa. Ma festa vuol dire vita, e dentro la vita la comunicazione tra esseri viventi, caratteri diversi che si conoscono un po' di più, un po' di meno. Cioè, quante feste ci sono quando qualcuno dice «Ah, non conosci quello!» E si esce, si aggiunge, quindi la festa è vita vissuta anche questo è importante, forse in momenti concentrati. No? È quasi condensare una vita, tutte le espressioni, le esperienze positive e negative in un momento, per esempio. La frase che volevo citare da Talberti ha preso una traduzione italiana. L'inizio del libro quarto è una frase che io leggo, se posso. Certo. Egli è cosa manifesta. Impromptu est in latino. E cosa manifesta? Adesso vediamo quello che segue. Che gli edifici sono stati fatti per cagione degli uomini. Semplice. C'è nessun'altra cosa. Quello che facciamo, quello che chiamiamo architettura, se vogliamo dire architettura come una realizzazione corporea o un influsso sulla materialità del mondo esterno, dietro sta sempre l'essere umano. E siamo d'accordo che questo viene tradotto, come tradito, ogni giorno. Perché siamo lontani da mettere veramente al centro l'essere umano. La festa allora potrebbe quasi essere un aiuto o un richiamo a questa verità che si tratta sempre di noi stessi, della vita. Oui, je m'excuse, je vous ai prévenu. En fait, dans sa grande érudition, il a souhaité parler en italien pour répondre au contexte de la Biennale de Venise et peut-être à l'interlocuteur qu'il avait en face. Mais je pense avec Marco, on peut un petit peu redonner quelques éléments de compréhension. C'était important de restituer un peu côté, le vivant de ce témoignage. Je te laisse réagir. Oui, essayons de commencer ce parcours qui tentera de tenir ensemble donc ces mots, la fête, l'utopie ou les dystopies, à travers les témoignages d'Oxline qu'on vient d'écouter, mais après on fera un saut temporel avec Piranèse, et puis on reviendra à une autre époque, et puis on parlera de notre présent, etc. Bah, le témoignage qu'on vient d'écouter part de fait comme nécessité vitale, bien sûr, comme un fait de la vie qui a une dimension collective. Évidemment, la fête, c'est ça pour l'histoire de la culture occidentale, de Karl Kereny à Johann Huizinga. La fête, c'est un moment collectif de suspension du temps normal. Mais la fête comme suspension du temps normal n'est pas simple carnival. Si le carnaval est simple, on est à Venise et on sait combien de choses se cachent derrière ces masques, n'est pas simplement celle du stroboscope qui inspire cette architecture. Je veux dire par là qu'il y a une longue histoire qui tient ensemble la fête, l'utopie et une dimension politique qui est celle de la suspension du temps normé. Dimension politique que la France connaît très bien, parce que c'est la dimension politique de la Révolution, ou de l'être en commun. Christine Ross a écrit des choses magnifiques sur la Commune et la Révolution comme fête. Nous a restitué ces vers magnifiques de Rimbaud, qui chante dans l'orgie parisienne: Quand tes pieds ont dansé si fort les colères, la fête peut être aussi danser les colères. Paris, quand tu as reçu tant de coups de couteau, quand tu gis retentant dans tes prunelles claires, un peu de la bonté du fauve renouveau. La fête peut être aussi ça, danser les colères pour chanter un peu de la bonté du fauve renouveau, d'une renaissance sauvage, là où le temps du pouvoir s'interrompt. C'est peut-être pour ça qu'on dit que dans les rues de Paris, pendant les nuits des manifestations sauvages contre la réforme des retraites, au milieu des incendies, il y avait une atmosphère de fête. Merci Marco. Et effectivement, dans le discours qui Werner Oxlin nous a proposé, et d'ailleurs qu'il a mis en relation. En fait, on lui a soumis aussi les éléments visuels, le pavillon n'était pas encore présent, de ce projet, et il a évidemment tout de suite repéré beaucoup de références historiques de l'histoire de l'architecture qui évoquaient quelque part à la fois l'éphéméralité de la fête, la dimension sonore dont on a aussi à d'autres moments de l'entretien réfléchi, la question de en fait la vie, si la fête c'est la vie c'est le son. Et donc il y voyait tout à fait une forme de cohérence, et jusqu'à cette forme idéale sur laquelle probablement on reviendra, la forme de la sphère, donc de une idéalisation aussi de la théâtralité par cette forme qui permet d'avoir une équidistance du public par rapport à la scène, plus ou moins. Donc la fête comme libération de l'imagination, ça c'est une chose qui est revenue à plusieurs reprises. Tu as aussi déjà anticipé la question de l'utopie et de la dystopie, de cette suspension temporelle dont tu as parlé. Nous faisons une transition donc de là à un autre type de témoignage, donc plus libre, de Ada Ackermann, qui est une chercheuse, donc elle est chargée de recherche au CNRS, au sein de l'unité mixte de recherche Talim. C'est une ancienne élève de l'école normale supérieure, historienne de l'art, et elle s'intéresse aux circulations artistiques et culturelles entre la Russie, l'Europe et les États-Unis, ainsi qu'au croisement entre les arts. Elle est spécialiste de Sergei Eisenstein, et elle lui a consacré deux ouvrages, Eisenstein et Daumier, des affinités électives, et The Endless Library of Sergei Eisenstein, ainsi qu'une exposition assortie d'un catalogue pour le Centre Pompidou Metz en 2019. Donc, selon une perspective tout aussi interdisciplinaire, elle a aussi assuré en 2017 le commissariat de l'exposition Golem, Avatars d'une légende d'argile, pour le musée d'art et d'histoire du judaïsme, dont elle a également dirigé le catalogue. Donc Ada Ackermann, qui a gentiment répondu à notre sollicitation, est venue avec deux projets assez étonnants sur lesquels a travaillé Eisenstein, pas terminé, notamment le premier. Et donc nous allons d'abord écouter ce qu'elle a à dire pour commenter la Glass House, donc un projet qui revenait sur ce matériau de la modernité, et mais de manière tout à fait étonnante, comme emblème d'une vision dystopique du capitalisme et de la société donc qui est régie par ce système. Donc c'est en français et c'est un petit peu moins de 14 minutes, donc c'est une écoute un peu longue, mais elle a un discours vraiment complet qui explique sans interruption sa lecture du projet. Alors qu'il se trouve à Berlin en 1926 pour assurer la promotion du cuirassé Potemkin, le cinéaste soviétique Sergei Eisenstein découvre les expérimentations architecturales modernes autour du verre, dont notamment les travaux de Mies van der Rohe ou de Bruno Taut. L'architecture de verre lui inspire un projet de film qui se déroulerait à l'intérieur d'un gratte-ciel entièrement constitué de ce matériau. Bien plus, la tour d'habitation, dont même les planchers seraient transparents, est imaginée comme suspendue au-dessus du sol. La découverte que fait Eisenstein par la suite, lors de son séjour américain en 1931, des travaux de Frank Lloyd Wright, ne fera que renforcer son désir de mener à bien ce projet. En imaginant une tour de verre d'habitation, le cinéaste est en avance sur la pensée architecturale de son temps, puisque dans les années 20-30, la typologie de la tour de verre est encore liée au bureau. Ainsi, Mies van der Rohe ne construira les immeubles d'appartements Lakeshore Drive qu'en 1948-1951. Le projet Glass House, dont le scénario ne cessera d'évoluer entre plusieurs trames, débute par une série de situations domestiques se déroulant dans cette tour d'habitation fictionnelle. Toutes ces situations partagent initialement un même paradoxe: être potentiellement visible de tous sans être vu. Il s'agissait ainsi pour Eisenstein de démontrer de façon satirique l'isolement, l'aveuglement et la détresse auxquels la société capitaliste voue les hommes, qui ne veulent pas voir ce qui se passe autour d'eux. La transparence doit révéler ici l'intériorisation d'une indifférence sociale apprise et devenue la mort. Comme Eisenstein l'écrit dans l'une de ses notes, il s'agit d'une tragédie cauchemardesque, la solitude dans l'exposition permanente aux autres et dans la visibilité de tous côtés, le froid des objets, le froid du verre par excellence. À cet égard, le recours au gratte-ciel n'est pas anodin. Inventé en 1879 à Chicago, il apparaît comme la structure hiérarchique fonctionnelle du capitalisme, orchestrant des rapports sociaux inégalitaires. Eisenstein imaginait ainsi, par exemple, qu'on puisse contempler, depuis son lit, un crime se déroulant chez un voisin, qu'on puisse observer un homme se noyant à cause d'un robinet défectueux, sans que personne ne bouge le moindre petit doigt, qu'on puisse voir un homme en train de battre son épouse ou un robot en train de violer une femme, et bien d'autres situations limites ne déclenchant aucune réaction. Ce n'est que petit à petit, par la suite, que les habitants de la tour découvriront que tout est absolument visible de tous, et cette prise de conscience progressive d'une transparence absolue et généralisée instaure alors un climat de suspicion et d'oppression conduisant au désespoir et à la mort. Eisenstein décrit cette prise de conscience comme suit. L'ascenseur, c'est le pouls de la maison, un œil omnivoyant. Puis, tous les yeux, tout le monde voit tout le monde. Cauchemar du dénuement, cauchemar des yeux et de la visibilité. Désir panique de se cacher. Le projet comporte ainsi une tonalité fortement dystopique, qui, dans l'esprit d'Eisenstein, devait démontrer avec éclat la dureté de la société capitaliste. Et lorsque son projet évolue, durant son séjour américain, Eisenstein imagine qu'il puisse aussi permettre de dénoncer l'hypocrisie de la société américaine, de tourner en dérision l'American Way of Life, tout en parodiant les ressorts sensationnels hollywoodiens tels que la violence, les crimes sexuels, le meurtre. Ce qui explique que le projet ait fait l'objet de refus successifs de la part des studios hollywoodiens qui avaient prévu de travailler avec Eisenstein. Si Glass House est donc conçu comme une critique de la société capitaliste, il est difficile rétrospectivement de ne pas voir également dans ce projet une préfiguration du règne stalinien par la terreur, durant lequel chaque citoyen se semble surveillé et menacé en permanence. Et à cet égard, il est très tentant de lier le projet Glass House au roman dystopique d'Evgeny Zamyatin, Nous autres, qui décrit la mise en place d'un panoptisme despotique et d'une société totalitaire. Ce roman, qui fut écrit en 1920, fut d'ailleurs immédiatement censuré par le régime soviétique. Il est tout autant difficile de ne pas faire le lien, qu'Eisenstein ne revendique pas explicitement, entre son projet et la place qu'occupe alors le verre dans les réflexions et les pratiques des architectes constructivistes soviétiques. On peut citer ainsi Leonidov, jeune architecte constructiviste, qui invente des projets de tours de verre remarquables, dont la tour du projet de l'Institut Lénine en 1927. Mais on pourrait tout aussi bien citer Krotikov, qui imaginait des projets de ville en apesanteur. Car le verre, grâce à sa transparence, était crédité de la faculté d'exprimer et de véhiculer un idéal d'égalité, de libre communication entre les sujets. C'est pourquoi le verre n'a cessé de hanter les artistes et les créateurs soviétiques. Par exemple, la mobilité nouvelle déclenchée par la Révolution avait inspiré au poète Khlebnikov l'idée d'une maison devenue boîte de verre mobile, dotée de roues et pouvant être montée sur un train ou un bateau. Et dans ses premières notes pour Glass House, Eisenstein emploie le terme de mise en forme, Affarmlénie, qui appartient au lexique des architectes constructivistes et qui est lié à la notion de mise en forme du mode de vie, Affarmlénie Bruta. Cette question est donc une clé du projet cinématographique d'Eisenstein, alors qu'elle se trouvait au cœur des débats architecturaux des constructivistes. Mais ce projet est surtout pour Eisenstein une occasion de faire exploser le cadre de sa pratique cinématographique. En effet, c'est une période durant laquelle il déclare se sentir à l'étroit dans le cinéma. Et pour lui, les ressources de la transparence inhérente aux matériaux du verre doivent lui permettre de révolutionner radicalement le médium cinématographique et d'en élargir les horizons. Il aspire pour cela à instaurer un cinéma de l'apesanteur, en recourant à la superposition des plans, à l'adoption d'un mode de vision polyfocal et à l'abolition des repères spatiaux habituels. Dans de telles conditions, intrigues, sujets deviennent périphériques. Comptent avant et surtout les expériences de vision et le fait de renouveler les possibles du cinéma. D'où l'insistance d'Eisenstein dans ses notes pour le projet de la nécessité de rechercher des angles insolites, de multiplier des points de vue neufs et inédits pour stimuler le regard et le déstabiliser. Eisenstein imagine ainsi toute une série d'expérimentations plastiques, de jeux avec les matières et les textures. Des flammes visibles à travers des surfaces transparentes, des coups de feu sur des vitres, des lumières diffractées sur le verre, l'emploi de verres différents, liquides renversés sur les surfaces vitrées, jeux de givre, de neige, jeux de fumée dans des pièces en verre, et même l'expérience d'observer un enterrement depuis le point de vue d'un cadavre enfermé dans un cercueil en verre. Et Eisenstein imagine alors comment le cercueil, porté par des silhouettes noires, passerait au-dessus d'un bal blanc. Ces expérimentations sont imaginées par le cinéaste sans qu'il ne sache toujours nécessairement comment et techniquement les mettre en œuvre. Jouer dans le prologue symphonie sur des verres optiques. Comment ? Pour le moment, mystère. Embarras pour la composition du cadre. Essayer un écran monstre, une surface d'écran multipliée par 4. Why not ? Projet aussi ambitieux que visionnaire, à l'instar de nombreux autres projets avortés d'Eisenstein, comme celui qui lui est contemporain et non moins démesuré, de tourner un film d'après le Capital de Marx, Glasshouse ne verra jamais le jour. Pour autant, il ne cessera de revenir dans les écrits du cinéaste et de hanter ses réflexions. Effectivement, lorsqu'Eisenstein rentre en URSS en 1932, après toute une série d'échecs de projets de films non aboutis, et alors que l'heure n'est plus tant à la critique du modèle capitaliste qu'à l'exaltation de réalisations socialistes soviétiques, de projet de film, le projet Glasshouse devient désormais pour Eisenstein un projet de cinéma. Un projet de cinéma qu'il nourrit en solitaire, dans ses carnets, un objet théorique de réflexion sur la transparence et le montage. Un projet qui contamine ses autres projets, notamment théoriques, comme celui du livre sphérique qu'il aspire alors à écrire pour livrer ses réflexions sur la nature et le fonctionnement de l'art. Du projet Glasshouse ne subsiste donc qu'un ensemble de dessins et de notes qui permettent d'imaginer à quoi aurait pu ressembler ce film impossible, représentatif du démon de l'inachèvement qui traverse l'œuvre tout entière d'Eisenstein. Ce n'est pas un hasard si 2 ans avant de mourir, Eisenstein notait dans son journal « Chacun, une fois dans sa vie, écrit son mystère. Et le mien, c'est Glasshouse. » Si le projet avorté d'Eisenstein paraît résolument visionnaire et révolutionnaire pour son temps, il gagne aussi à être envisagé à la lumière de notre époque et de ses problématiques. En émergent alors d'autres potentiels qu'Eisenstein n'aurait pu imaginer ou deviner, même dans ses rêves ou cauchemars les plus fous. Tout d'abord, si l'on conserve la dimension dystopique de Glasshouse, comment ne pas voir dans cette architecture et superstructure de la transparence généralisée une anticipation du règne despotique qu'exercent aujourd'hui les écrans, avec le régime de survisibilité qu'ils impliquent. L'injonction à être visible, à être vu, en tout temps, à toute heure, de tous et partout, via les réseaux, au risque de troquer son être pour une image, pour le spectacle de soi, n'est-elle pas une matérialisation du panoptisme terrifiant qui se mettait en place dans la Glasshouse, à la différence, et elle est de poids, qu'elle est aujourd'hui bien souvent consentie, voire désirer cette aliénation actuelle. La dynamique voyeuriste qui s'instaurait dans la Glasshouse, transformant la vie en spectacle, en attraction perpétuelle, cette dynamique s'est accélérée et disséminée aujourd'hui de façon tentaculaire et exponentielle. Et c'est désormais notre monde entier qui se transforme en une Glasshouse dont il est bien difficile de s'extraire, une architecture arachnéenne numérique qui se bâtit et se consolide chaque seconde à partir des milliards et myriades d'écrans que nous activons et alimentons jour et nuit. Et les images qui s'y troquent, s'échangent, circulent et se donnent sous l'étiquette du réel, en une soi-disant transparence, en réalité construite et factice, instaurent pour ainsi dire le règne d'une trans-apparence. Mais changeons de lunettes et envisageons la Glasshouse d'Eisenstein sous un prisme émancipatoire. Car ce projet ne cesse d'osciller entre rêve et cauchemar, entre utopie et dystopie. Et c'est aussi cette indécidabilité de son statut, cette dialectique entre progrès et réaction, qui sous-tend la fascination que ce projet peut exercer sur nous. La Glasshouse d'Eisenstein comporte donc également tout un potentiel progressiste. Car ce qui meut aussi le cinéaste, c'est le désir de renverser les hiérarchies entre le haut et le bas, entre le centre et la périphérie, de tout retourner sens dessus-dessous, de désorienter le regard, de le décentrer, de le dérouter. En cela, ne peut-on voir dans le dispositif éminemment plastique imaginé par Eisenstein une machine à regarder autrement, une machine à subvertir les catégories et les évidences, une machine éminemment actuelle permettant de repenser nos perspectives? Ce n'est pas un hasard si, dans la Glass House, le travestissement joue un rôle crucial, comme le révèlent de nombreux croquis de scènes grivoises de cabaret assorties au projet de film. Car l'enjeu du film était aussi de rendre poreuses les frontières, les catégories, les genres, d'introduire de l'indéterminé un peu partout. En somme, d'induire du flou non pas tant artistique que politique. Comment ne pas relier ce projet au bouleversement épistémologique auquel nous assistons, avec le désir de rendre mieux visibles des corpus invisibilisés, de donner voix à des corpus restés pendant trop longtemps muets et dans l'ombre, de tenter d'inverser des rapports de force, des liens de domination et de subordination entre les objets? N'oublions pas à cet égard, c'est signifiant, qu'Eisenstein consacre tout un ensemble de croquis pour son film à des lunettes, à des dispositifs optiques. Car la Glass House, c'est d'abord et avant tout la proposition de se doter d'une nouvelle monture de vision, d'opter pour une nouvelle posture pour regarder le monde et pour s'envisager. En somme, la Glass House, en tant que renversement optique parce qu'épistémologique, mais aussi en tant que renversement épistémologique parce qu'optique, constitue un appel à une indiscipline généralisée auquel il peut être salutaire de répondre. Marco, je te laisse peut-être commenter cette longue explication, mais qui nous a, de manière généreuse, expliqué un peu le sens de ce projet. Mais il y a dans cet extrait magnifique, autour de ce projet utopique, on pourrait dire, ou dystopique, on va voir, évidemment, il y a une question classique de la théorie de l'architecture, de la culture architecture, c'est la question du verre, non, qui est depuis la chaîne de verre de Bruno Toth, à travers Eisenman, arrive jusqu'au... Dans les échanges assez étranges entre Bernard Tschumi et Jacques Derrida, à l'époque du projet du Parc de la Villette, il y a une lettre de Derrida qui, à un moment donné, interroge l'architecte, parle-moi du verre. Alors, le verre, dans la culture architecturale, oui, bien sûr, symbolise, matérialise la transparence. Alors, cette transparence peut être utilisée ou lue comme forme de critique de la société moderne capitaliste. C'est Eisenstein qui montre à travers la Glass House l'indifférence de la société moderne capitaliste au crime. Tout le monde se voit, mais personne n'intervient, et pourtant il y a eu un assassinat à côté de chez moi. Ou le verre peut être signe d'égalité, c'est l'utopie de la parfaite transparence, c'est-à-dire de la universelle communication de Leonidov, par exemple. Mais le verre, je pense, dans la tradition architecturale, arrive à une complexité ultérieure. Parce que, par exemple, le verre n'est jamais simplement transparent en architecture. Les gratte-ciels de Mies van der Rohe à New York ne sont pas transparents. Là, le verre sépare, est un mur, et le verre reflète, invite les passants à réfléchir au spectacle terrible, magnifique, de la grande métropole. Le verre, donc, comme demande critique, demande de réflexion. Et puis, vu qu'on est quand même à la Biennale de Venise, il y a les verres de Venise, qu'un grand architecte comme Carlo Scarpa savait apparemment manier comme personne d'autre. Et le verre de Venise est réfraction, double renversé, masque tremblante et troublante, comme l'image de la ville sur l'eau de la lagune ou, quand il y a l'acqua alta, la place San Marco qui se dédouble et se renverse. Le verre est donc une forme de travestissement, comme le dit Ackermann, forme de carnaval peut-être, de fête. Sur la Glass House, je dirais que plus que le côté, dystopique d'un projet qui ressemblerait à quelque chose de l'ordre du panopticon, je dirais que ce côté dystopique du projet d'Eisenstein rappelle plutôt un labyrinthe piranésien. Eisenstein était un grand lecteur de Piranèse, c'est pour ça que notre suite d'interventions qui semble n'avoir aucun ordre a en réalité un ordre. Et bien chez Piranèse, il existe cette idée de l'infinité, l'infinie transparence, de l'infinité des espaces qui devient une limite insurmontable. Les prisons de Piranèse sont un labyrinthe, mais comment sortir d'un espace qui n'a pas de mur ? Où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit l'image d'une des planches des prisons de Piranèse ? Cette idée qu'est l'espace radicalement transparent, sans mur, sans limite, est la forme dernière de l'enfermement. Et je pense que ça, c'est la lecture plus juste, surtout parce que le panopticon, du moins selon la leçon de Michel Foucault, était utopie du pouvoir. Hein? Utopie du pouvoir. C'est le rêve des institutions qui imaginent une subjectivité sociale qui s'autodiscipline. Hein? C'est le rêve post-démocratique d'une société qui peut s'en passer des contradictions, des conflits, des luttes, des fêtes. Merci Marco. Effectivement, ce que tu dis me renvoie aussi à une autre lecture de la transparence, celle donnée par Colin Rowe, qui parle aussi de cette matérialité du verre, qui donne encore une ultérieure lecture du verre étant quelque chose qui crée plutôt une séparation, alors que la transparence était entendue comme quelque chose de spatial. Donc il la transpose plutôt au niveau du plan de l'architecture moderne. Je trouve aussi que ce projet, peut-être en lien avec le contexte d'aujourd'hui, pour moi est significatif dans le sens où un matériau devient idéologique, une idéologie qui se prête à tout et à son contraire. Et je pense aussi qu'il y a une énorme actualité dans cette vision de la matière comme quelque chose qui représente un drapeau. Et aujourd'hui, on en est plein dedans avec la crise qui nous concerne et comment effectivement traiter la question du durable, de l'environnement par quelque chose qui dépasse aussi le simple aspect matériel de l'architecture. Et ce pavillon, peut-être, il parle aussi de ça. Mais et tu nous as déjà ouvert la voie, la transition vers Piranesi. Déjà, peut-être avant de rentrer dans le dialogue, j'aimerais juste demander comment tu es arrivé à cette rencontre avec ce texte. Raconte-nous l'histoire. Le texte de Piranesi, je pense que pour... était très connu en Italie parmi ceux qui s'intéressent à l'architecture. C'est un grand classique. Et j'ai par hasard découvert que dans les écoles d'architecture en France, le texte n'était pas connu parce qu'il n'y avait pas de traduction. Ce qui m'a fortement étonné parce que ce texte, Piranèse, l'adresse à un Français. Et c'est une réponse polémique, comme tout chez Piranèse, à un article qui avait été publié sur la Gazette littéraire d'Europe à la fin du XVIIIe siècle par M. Mariette, qui est un des grands de figures de la culture académique de l'art et de l'architecture du XVIIIe français. Et lors de la préparation des échanges autour de l'hypothèse d'un numéro de revue sur politique et architecture avec Yann Rocher, on avait donc un collègue enseignant et architecte à Paris-Malaquais, on avait échangé brièvement et moi je lui ai dit, tu sais, moi j'ai craint quand on demande aux architectes d'écrire sur leur engagement politique qu'ils viennent avec toutes leurs formes de auto-légitimation, justification, posture, je pense que je suis, définition d'eux-mêmes, je suis écologiste, je suis je sais pas quoi, de droite, de gauche. Et alors que je pense, j'avais dit à Yann, je pense que ça serait drôle de leur proposer de nous parler d'architecture et politique comme Piranesi fait dans son dialogue. Un dialogue dans lequel il y a deux points de vue, mais il n'y a pas de solution. Personne ne gagne. Deux points de vue opposés. Donc l'un met en crise les raisons de l'autre. Et peut-être que dans les moments de crise, c'est ce qu'il faut faire. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé cette traduction, qui après est devenue une publication autonome. Et je pense intéressante pour nous aujourd'hui, parce qu'au fond, Piranesi écrit dans un moment de crise de l'architecture. Piranesi est architecte qui ne fait pas d'architecture, mais qui se signe architecte vénitien toute sa vie. Et au fond, le thème de ce dialogue est, y a-t-il encore espace pour l'architecture où la fête de l'architecture est finie. Et peut-être juste avant, encore avant de commencer à écouter le dialogue, pourquoi tu penses qu'il a choisi ce format tout à fait non conventionnel pour un essai théorique de l'architecture? Bon, je pense qu'il y a cette idée de la dialectique que tu nous expliques déjà, mais en fait, si j'ai bien compris, il succède à un autre texte qu'il avait écrit sur la magnificence de l'architecture romaine, et qui était un texte plus classique, c'était un véritable essai, et il choisit de rebondir avec quelque chose qui effectivement joue sur une théâtralité. Tu parles aussi d'un théâtre de la absurde qui met en scène dans son ouvrage. Le dialogue aporétique, donc sans solution, est une grande forme littéraire du XVIIIe, hein, et notamment quand il s'agissait de faire de la polémique. Parce que, entre autres, permet un formidable, vous voyez, les termes reviennent, jeu de masque. On multiplie les points de vue et la question devient, mais l'auteur, quelle est la thèse de l'auteur dans cette multiplicité? Et je pense que c'est ce que Piranesi fait. Et à cela, il faut ajouter le fait que que cette forme lui permet de mettre en avant, mais ça c'est une interprétation personnelle, hein, comme la nécessité d'une dimension critique dans un moment où rien dans la culture architecturale peut être tenu pour vrai, fondé, certain. Voilà. Et donc je pense qu'il y a, ces deux éléments, mais ce qui est étonnant dans ce petit texte, c'est un petit texte, le Parere de Piranesi, c'est qu'on y trouve rassemblé et interprété et même incarné presque tous les grandes thématiques et les grandes postures qui, dans la culture architecturale, depuis la Renaissance jusqu'au XVIIIe, avaient été proposées. Et pour être, après, toutes mises en crise, déconstruites. Très bien. Écoutons donc le dialogue. Giovan Battista Piranesi. Parere sull'architettura. Dialogo. Protopiro e didascalo. 1765. Come didascalo? Dopo che per la tanta pratica che avete dell'architettura eravate giunto a discernere il buono dal cattivo, anche voi volete farvi tenere per un di coloro che quanto più credono di intendersi di quest'arte meno ne fanno? Mi vorreste obbligare a dirvi quel che sapete al par di me, a far vedere che quel che comunemente si usa non appartiene all'architettura, che gli è un abuso? Avete altro da dire, Protopiro? Ci sarebbe da dir per un secolo, ma se si facesse quel che ho detto, non sarebbe poco. L'architettura comincerebbe a risorgere. Come si intende? Intendo ad avvicinarsi a quella che fu un tempo nel suo vero lustro. A quella, dite, caro Protopiro, che dai greci era stata ridotta a perfezione? E chi non sa, mostra di non saperne? Dunque il Piranesi, che invece di farlo si è dato con questi disegni a quella pazza libertà di lavorare a capriccio, senza ragione di così fare, sì, senza ragione, come il comune degli architetti d'oggi, anch'egli mostra di non saperne. Che dubbio! Con queste massime in capo, caro il mio Protopiro, voi vorreste mandare a pascolare gli armenti. Vorreste mandarci a stare in quelle capanne dalle quali alcuni hanno creduto che i greci abbiano preso norma nell'adornare la loro architettura. Ma didascalo, non stiamo a sofisticare. Il sofistico siete voi che dettate all'architettura delle regole che ella non ha mai avuto. Donc un premier extrait lu d'ailleurs par notre Marco qui est étonnamment, il y a deux personnages, mais il y a aussi Piranesi. Enfin, ils évoquent Piranesi lui-même. Bon, peut-être il faut donner des éléments pour de compréhension un peu. L'interprétation canonique traditionnelle de ce dialogue est la suivante. Il y a deux personnages, Protopiro et Didascalo. Donc, Protopiro, c'est un néoclassique, c'est un académicien, c'est le porteur du feu de la raison, Protopiros. Et Didascalo, c'est un architecte qui défend les raisons de la fantaisie, du capriccio, de leurs normes, de la rupture des normes académiques. Et l'interprétation canonique dit, Piranèse, il suffit de regarder ses dessins, c'est sans doute Didascalo, et il détruit les raisons de Protopiro, qui est l'incarnation de Mariette. Sauf que, comme l'a remarqué, pour rendre hommage à notre grand vénitien d'adoption, cette fois, avec lequel j'ai passé beaucoup de temps, Manfredo Tafuri, un des grands profs de Yoav de Venise, Tafuri, dans des écrits très connu sur Piranèse, dit « Mais personne n'a remarqué que les deux personnages, dans leur dialogue polémique, tous les deux se réfèrent à Piranèse. Ils se disputent en se disant « Mais t'as rien compris de Piranèse. Mais non, mais Piranèse me donne raison. » Et donc, dit Tafuri, il y en a au moins trois de personnages. Au mieux, les deux personnages dont on lit les positions sont des masques d'un troisième personnage qui est Piranèse lui-même. Or, moi je trouve que dans ce jeu de masques, il y a des passages qui, si on veut les lire peut-être avec un peu d'envie de les actualiser, ont en réalité presque une urgence. On nous parle, nous font sourire beaucoup de l'état actuel de l'architecture. Fais un exemple. On a écouté à un moment donné cette citation indirecte de Montesquieu, est-ce que l'uso fa la legge, c'est l'usage qui fait la loi? Et l'autre qui dit, mais non, c'est pas l'usage qui fait la loi, l'usage c'est un abus, en jouant avec l'italien uso et abuso. La loi de l'architecture, sont les lois de la raison, etc., des ordres classiques, etc., etc. Mais l'idée que c'est l'usage qui fait la loi, donc c'est la pratique des architectes qui détermine qu'est-ce qu'est l'architecture et au fond l'idée sur laquelle le système de formation des architectes français est organisé. C'est pour ça qu'en France, les praticiens deviennent professeurs d'architecture sans aucun profil académique, de recherche, etc. Leur autorité se tient sur l'usage, la coutume. Et là, il y a une tension. Il y en a un qui dit c'est comme ça, et l'autre qui dit mais pas du tout. Après, ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, celui qui dit c'est pas du tout, c'est celui qui défend les raisons de la fantaisie, du caprice, etc. Mais vous voyez, il y a dans ce dialogue des choses qu'on pourrait proposer au débat, sinon de nos collègues, au moins de nos étudiants, pour qu'ils puissent prendre position et trouver leur manière de lire l'architecture. Puis il y a une autre question. Bon, demain, ce qu'on tension, et derrière, la figure de Pierre Hanez, masquée. Mais la question est, mais de quel masque s'agit-il? Alors, Manfredo Tafuri avait donné une interprétation très connue, il disait, Pierre Hanez, c'est celle de Pierre Hanez est ce qu'il appelait une utopie négative. C'est la radicale déconstruction de toute forme de légitimation du métier, comme je viens de le dire, de théorisation stable. Pierre Hanez, c'est l'architecture est une discipline infondée. Ses racines sont pourries et il reste là. Donc Pierre Hanez est une figure tragique. La tragédie a cette vertu. Nous met devant un conflit qui ne doit pas avoir de solution, sinon ce n'est pas une tragédie, et nous permet de penser la question. Antigone et Créon. Qui a raison? Les deux. C'est ça la tragédie. Pierre Hanez dit, enfin Tafuri dit, dans le dialogue de Pierre Hanez, les deux ont raison. Mais peut-être que ces masques, ce sont des masques comiques. Déjà parce que ce dialogue fait rire beaucoup. Et vous savez que la comédie fonctionne, elle aussi, comme dispositif de pensée, mais elle a une nature critique. La farce, la plaisanterie, le canular de la comédie dissout toute mythologie, toute légitimité, ouvre l'espace à quelque chose qui est de l'ordre de la fête, de l'affirmation. C'est un peu comme les masques que Gian Domenico Tiepolo, et faisons encore un hommage à un grand Vénitien, a créé pour sa villa à Zignago, qui sont, on peut les voir, à Carezzonico désormais. Vous allez visiter Carezzonico, le musée du 18e Vénitien, vous rentrez dans cette section magnifique consacrée à ces fresques de Tiepolo, et la première chose que vous voyez, c'est une énorme fresque qui s'appelle Il Mondo Nuovo, le monde nouveau. C'est en réalité une fresque magnifique et énigmatique. Tout le monde est de dos. Donc. Et tout le monde, il y a plein de personnages qui s'amassent pour regarder devant, à l'intérieur d'un mondo nuovo, qui était un dispositif théâtral, une espèce de panorama d'antan, et dans lequel donc se suivaient des images de fantaisie, des images fausses. Alors, cette représentation de Tiepolo est la narration de la fin d'un monde. Le vieux monde n'est plus là. La fête du vieux monde est finie. Et le vieux monde était la République de Venise. Cette histoire magnifique d'un État qui a duré 5 siècles sans avoir une armée. Et qui, dans le 18e, du père de Tiepolo, se donnait aux fêtes, au carnival. Eh bien, 1795, vous savez qu'il y a un Français, peut-être un Italien qui se dit Français, qui rentre à Venise, Napoléon, et met fin à l'histoire de la Sérénissima République. Le monde de Tiepolo s'écroule, il n'y a plus la fête. Et le monde nouveau, est un monde d'illusion, dit Tiepolo. Mais comment il réagit? Derrière cette fresque, les chambres, avec les dessins de Polichinelle, le masque, à nouveau un carnaval, et un carnaval populaire, un carnaval qui est, par définition, Pulcinelle, c'est un napolitain, se bat contre les pouvoirs par définition. Hein? Donc, c'est comme un message qui dit, on est en crise, il y a catastrophe, peut-être que la fête est finie. De toute manière, le vieux monde est fini. Pour Piranèse, le vieux monde, c'était le monde d'une architecture qu'il ne pouvait pas faire. Mais, ubi fracassum, ibi fugitorum, dit Pulcinelle. Là où il y a catastrophe, il y a ligne de fuite. Et encore une fois, la fête devient une forme d'émancipation. Il me semble qu'il y a, en réalité, cette forme de, on peut dire, espoir, utopie, une utopie et un espoir qui ne sont pas sucrés, mais peut-être amers, désenchantés, mais pourtant présentes. Je pense qu'avec Piranèse, on est au-delà de la catastrophe. On est à l'indication de la nécessité d'une reconstruction. La fête doit continuer, le carnaval doit continuer. Merci pour cette lumière qui nous permet un petit peu de croire aussi dans cette possibilité d'un futur collectif et de cette ritualité qui porterait l'architecture vers des nouveaux horizons et effectivement qui nous rappelle que les moments de crise ont été nombreux et profonds. Nous passons au passage suivant, toujours un extrait du dialogue. Dunque, Grecia e Vitruvio? Bene, ditemi, che cosa rappresentano allora le colonne? E le scanalature? E i triglifi? Che rappresentano? Ora domando, che cosa regge il tetto dell'edificio? Se la parete? Ma questa non ha bisogno di architravi. Se le colonne o i pilastri? La parete che vi fa ella? Via, scegliete, signor Protopiro, che cosa volete abbattere? Le pareti o i pilastri? Ah, non rispondete? E io distruggerò tutto. Mettete da parte edifici senza pareti, senza colonne, senza pilastri, senza fregi, senza cornici, senza volte, senza tetti. Piazza, piazza, campagna rasa. Ça y est, plus d'architecture. Bon, je te laisse commenter et peut-être aussi... Je suggère aussi de revenir aussi sur la réalisation principale de Piranesi, qui quelque part représente aussi cette tension dialectique entre ces deux langages. Mais je te laisse rebondir sur cet extrait. C'est peut-être le passage le plus célèbre du dialogue parce que cette phrase finale, place, place, rase, campagne, a été bien sûr, et cette fois presque par tous les interprètes, y compris, surtout, je dirais, Tafuri, interprétée comme une incroyable et formidable anticipation de l'approche avant-gardiste. C'est la tabula rasa des avant-gardes, hein, campagne rasa. Une architecture qui n'a plus de règles, parce que toutes les normes qui construisent notre discours, les colonnes représentent, dit Vitruve, ceci, se montrent comme infondées. Et si toutes les règles sont infondées, notre discipline se fait à partir d'une tabula rasa. Bien sûr, il y a quelque chose qui est de l'ordre... je dirais, de la destruction créatrice dans ce passage, comme dans la posture avant-gardiste. On fait tabula rasa, mais la question de la tabula rasa est quelle est la table qui reste après qu'on l'a rasée, hein? Comment est-ce qu'on reconstruit? Et c'est un extrait qui va avec ce qu'on a écouté avant, où il y avait une polémique très directe avec le mythe de la cabane de Logier, par exemple. Tous les mythes de fondation et de légitimation d'un métier. Logier, quand il parle de la dérivation végétale des ombres, il est en train de naturaliser les lois de l'architecture. Et comme on sait, ce qui est naturel doit être vrai. C'est pour ça d'ailleurs que dans cette idée d'un Piranèse avant-gardiste, Manfredo Tafuri faisait commencer son grand livre publié en 1980 sur les avant-gardes historiques, La sphère, dont ça part de nous, et le labyrinthe. Grand livre sur les avant-gardes commençait avec le texte sur Piranèse, les avant-gardes historiques de Piranèse à nos jours. Et après le texte de Piranèse, il y avait la traduction d'un texte d'Eisenstein sur Piranèse. Je pense que ce passage, il faut le lire comme invitation à comprendre que la question de l'avant-garde, c'est comment recommencer. Voilà, comment recommencer. Et qu'est une posture qui se dit avant-gardiste parce que prône la polémique contre les règles en permanence n'est pas une posture avant-gardiste. Parce que le problème des avant-gardes, c'est quelles sont les nouvelles règles. On ne peut pas répéter à l'infini la destruction du savoir de l'architecte. Et quelque part, je trouve, cet extrait fait aussi écho à un autre moment de la discussion avec Werner Oxlin, où en commentant ce pavillon, il décrit, il s'agit d'une architecture dans l'architecture, et il dit, mais ce processus est étonnant à nos yeux aujourd'hui, un but de ce langage moderniste qui a tout vidé. Mais en réalité, c'est une démarche très ancienne qui appartient à l'architecture de fait et aussi à un moment où la question de l'ornementation était encore présente, accessible. Bon, évidemment, l'art baroque, où l'architecture dans l'architecture était la normalité. Il y avait une enveloppe, mais il y avait un intérieur qui était encore plus pensé, réfléchi et dessiné que l'extérieur. Et donc, Oexlin... Il voit la modernité comme une forme de simplification peut-être négative du langage architectural et il ramène dans cette idée de la fête, le retour à l'imaginaire, une acceptation nouvelle d'un langage qui pourrait re-remplir l'espace par ses occupations, ses usages et tous les dispositifs qui fournissent la structure pour ses activités. Nous continuons avec un autre court extrait. Supponiamo che il mondo facesse alla vostra monotonia la grazia di sofferirla. Ma l'architettura a che sarebbe ridotta? A un vil métier ou l'on ferroi che copier, ha detto un certo signore. Talché voi altri non solamente sareste architetti ordinari, ordinarissimi, ma da meno che muratori, anzi finireste affatto di essere architetti. Impero che i padroni, qualora volessero fabbricare, sarebbero sciocchi a chiedere anche dall'architetto quel che con tanto meno di spesa potrebbero avere dal muratore. C'est qui ce tel monsieur? Un certo signore? C'est Mariette. Ah, d'accord. C'est Mariette. Justement, c'est là on a vraiment. Ce passage, je le trouve passionnant pour deux, trois raisons. Bah, d'abord, on a encore une fois la polémique contre l'académisme néoclassique qui veut qu'il y a des normes sûres. Et alors, tous les architectures deviendraient monotones, identiques. Hein. Et donc, qu'est-ce que serait l'architecture? Un vil métier où l'on ferroie qui est copié ce que les anciens ont fait, ce que le professeur me dit de faire, ce que blablabla. Et puis, typiquement, ce passage est l'énième passage autour duquel on dit, bah, vous voyez, Piranèse défend plutôt l'ouverture au décor, à la fantaisie, au capriccio, etc., contre l'austérité classique. Mais je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus dense dans ce passage, parce que la suite du passage dit, et vraiment je pense que dans ce passage il y a la question du dialogue. Quel est le futur de l'architecture? Il y en a un, la fête est finie. Parce que le passage dit, et si vous avez raison, et si tout a été fait, dit, et il ne reste que copier, pourquoi la commitance devrait avoir besoin de l'architecte? Vous finiriez par ne plus être, c'est comme ça qu'on a traduit avec Yann, architecte. Il dit, vous finirez pour vous réduire à être des architectes ordinaires, très ordinaires. Non, pire, ne plus être architecte. Car les clients, dans le cas où ils souhaiteraient construire, seraient bien sots de demander à l'architecte ce qu'à moindre frais pourrait être obtenir d'un maçon. Si c'est juste la construction, la technique, et le reste est fait, pourquoi le client doit aller chez l'architecte? Le maçon sait faire. Et sans doute, c'est vrai. Et aujourd'hui, cette question a une énorme actualité. Vous savez que en ce moment même, à Hollywood, il y a une grève des scénaristes d'Hollywood qui se mettent en grève contre l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a une technique, une machine qui occupe de plus en plus de place et d'espace dans les métiers intellectuels. Et on connaît depuis un moment désormais à la fois l'impact énorme qu'est l'ordinateur, les logiciels, etc., ont dans la conception architecturale, et aussi le pouvoir incroyable d'homogénéisation que cela produit. Et alors, si l'architecture consiste dans le fait de faire ce qu'un logiciel peut faire à moindre frais, ou que l'intelligence artificielle peut faire à un coût inférieur, il n'y a pas besoin d'architecte. La fête est finie. Si l'architecture, dans d'autres termes, consiste dans le fait de savoir utiliser une technique et reproduire de manière passive ce savoir. Le maçon fonctionne comme ça. Le technicien fonctionne comme ça. Aujourd'hui, même avec des technologies très complexes, la question théorique reste la même. Si l'architecture est ça, et ceci, alors peut-être que oui, en effet, la fête est finie. Plus d'architecture, on n'a pas besoin d'architecture. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, surtout pour moi, étant donné que je ne suis pas architecte. Donc, je n'ai presque rien à perdre. La question est, et si ce n'est pas ça? Et si l'architecture n'est pas simplement le fait de savoir utiliser une technique, savoir être maçon, savoir jouer avec les logiciels, faire des cours d'intelligence artificielle en première année des écoles d'archi, parce que c'est à la page. Si l'architecture est arché, connaissance des principes, et donc arché, commandement, sur quoi? Sur les techné. Sur la techné, sur les techniques, les machines, les logiciels, l'intelligence artificielle. Si l'architecture est connaissance des principes qui permet donc de gouverner les techniques, les savoir-faire, y compris les technites, les techniciens, alors la fête n'est pas finie. Piranèse, à son époque, parle de maçonnerie. Et du savoir du maçon et fait la polémique, fait l'exemple, il dit il ne faut pas construire en style dorique. Pourquoi? Parce que tout le monde peut le faire. Mais le sens n'est pas simplement la défense de la décor, du décor contre la monotonie du dorique. Le sens, c'est plutôt la revendication d'un savoir critique et actif sur les disciplines techniques qu'il faut connaître. Alors là, vous voyez, tout, encore une fois, un champ de réflexion s'ouvre à nous. Parce que si, revenons sur les logiciels, l'ordinateur, etc., Piranèse a raison, la question devient, et donc, qu'est-ce qu'il faut faire étudier aux étudiants d'archi? Le dernier logiciel, oui, bien sûr, mais ça, on le fait dans un développement. Par contre, il faut lui donner tous les savoirs théoriques qui lui permettent de comprendre l'arché, le principe sur la base duquel la technique fonctionne. Alors, il faut faire étudier les mathématiques, la géométrie, qui sert pour faire les algorithmes, la physique technique, qui sert pour comprendre quand la machine calcule un bâtiment, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Et puis, il faut leur faire étudier l'histoire de l'architecture et de la discipline, la théorie. Un autre monde, d'autres écoles complètement utopiques sont dessinées dans ce dialogue de Piranèse. Mais donc, tu verrais un parallèle entre le moment où Piranèse y parle et il exprime une sorte d'angoisse vis-à-vis de la figure du maçon par rapport à la standardisation en cours d'une architecture qui se veut rigoriste, et ce qui se passe aujourd'hui par les moyens digitaux, est-ce que c'est le même niveau de transformation intellectuelle, conceptuelle? Parce que le digital est partout, c'est pas que c'est la fabrication, la conception, l'outil, c'est le dans où tu vois ce rapprochement, ce parallélisme? Non, alors évidemment, l'impact des techniques et des technologies n'est pas toujours le même à toutes les époques de l'histoire de l'humanité. Ça, c'est parmi les philosophes, le seul qui a pensé ça, c'était Martin Heidegger, mais il avait eu des problèmes dans la vie. Mais par contre, là, la question qui est pointée, me semble, est le rapport entre savoir de l'architecte, le même savoir que Piranèse d'un dialogue a montré comme infondé, en crise, catastrophé, et les savoirs pratiques. Peut-être on va l'écouter tout à l'heure, il faut faire gaffe, parce que Piranèse, en dépit de ce qu'on dit, pour des raisons biographiques, et pour des raisons d'époque, a lui une énorme formation technique. Dans la polémique avec Mariette, vous savez que l'âge des Lumières est drôle parce que chaque pays, chaque culture s'est fabriqué ses propres lumières sur mesure. Il y a des lumières allemandes, des lumières italiennes, des lumières françaises. Et à chaque fois, pour faire ça, on écrit l'histoire de sa propre culture. Alors, par exemple, c'est connu, tout le monde a envie d'être l'héritier des Grecs, non? En philosophie, par exemple, Heidegger disait, moi je suis un Grec, je suis allemand. Le néoclassicisme à la Winckelmann a cette dérivation grecque qui a été reprise en Allemagne d'une certaine manière, d'une autre manière en France. La polémique Piranèse-Mariette, c'est sur la valeur de l'architecture des Grecs. Et Piranèse lui oppose, en disant, vous ne comprenez rien, parce que Mariette avait écrit dans son article, pourquoi ce Piranèse nous parle, dans son texte précédent qui est à citer, de la magnificence de l'architecture des Romains. Les Romains n'ont rien inventé d'intéressant du point de vue architectural. Les Grecs ont inventé l'architecture et les Romains n'ont rien fait que copier et rendre plus vulgaire l'architecture des Grecs. Et Piranèse lui répond, mais c'est parce que vous ne comprenez rien à l'architecture, d'ailleurs vous n'êtes pas architecte, et parce que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Parce que les exemples de la magnificence de l'architecture des Romains sont les rues et les cloaques. Magnifique la cloaque. Et en plus, c'est une prouesse constructive et en plus, elle est utile. Vous voyez, et ça, c'est le même Piranèse qu'on connaît comme le formidable graveur qui dessine à capriccio et avec. Donc vous voyez la complexité de la figure. J'ai dit ça pour dire que chez Piranèse, quand il dit attention, l'architecture n'est pas rapport passif aux techniques, il n'y a dans aucune manière une dépréciation du côté technique et constructif, au contraire. Mais l'architecture est pensée de la technique. Hein, pensée critique en cela. Critique au sens, enfin, non pas polémique, capacité de penser l'application des technologies qui transforment notre environnement avec détachement et intelligence. Merci. On passe au dernier extrait de Piranesi. Giovan Battista Piranesi dedica a Nicola Giobbe della prima parte di Architetture e Prospettive, 1743. Io non vi starò a ridire la meraviglia che nebbi osservando d'appresso l'esattissima perfezione delle architettoniche parti degli edifici romani. Quindi è che, essendomi venuto in pensiero di farne palesi al mondo alcune di queste, né essendo sperabile a un architetto di questi tempi di poterne effettivamente eseguire alcune, sia poi elle la colpa dell'architettura medesima o di quelli che farsi dovrebbero mecenati di questa nobilissima facoltà, altro partito non veggio restare a me e a qualsiasi voglia altro architetto moderno che spiegare con disegni le proprie idee. Donc avec les dessins, expliquer ses propres idées. Et là, oui, aussi, deux choses. La première partie de cette... Ça, ce n'est pas le dialogue de Piranesi, c'est une dédicace d'un recueil de gravures sur l'architecture romaine et, à Nicola Giobbe. Et il dit deux choses qui me semblent importantes dans cette dédicace. La première, parce qu'elle montre ce que je viens de dire, le côté technique, la passion technique de Piranesi, qui était d'ailleurs le neveu du proto delle acque, c'est-à-dire le magistrat qui était un architecte, qui s'occupait de gouverner les eaux de la lagune de Venise. Donc, quelqu'un qui s'occupait de comment gérer la hausse des eaux, comment faire en sorte que les fondamenta de la ville tiennent, etc. etc. C'est comme ça qu'il rentre dans l'architecture. Et d'ailleurs, car il n'y a pas de boulot, il commence à faire le graveur. Les premiers graveurs auprès desquels il travaille lui disent « t'es pas bon dessinateur, toi, c'est trop chargé, il y a trop de bordel, enfin, change de métier ». Ah, donc c'est le personnage est complet. Mais là, la première phrase, il dit « Je vous offre, monsieur, cette recueil de magnifique architecture qui montre la précision des parties architecturales des édifices romains. » Chaque mot pèse, il parle comme un ingénieur. Qu'est-ce que je vous montre dans ce recueil, qui est un recueil de gravures à la Piranesi, très esthétisant. Hein, mais il montre, sert à montrer la précision des parties architecturales des édifices, pas des bâtiments, des édifices, hein, c'est édifier, c'est le verbe, hein, c'est le verbe le plus constructiviste qui soit. Hein, c'est pas bâtir, c'est vraiment édifier. De l'architecture romaine. Donc cette passion. C'est l'idée que avoir conscience de la dimension technique de l'architecture est fondamentale. De là, tu commences. Et puis, une espèce de dévoilement du mystère piranèse. Pourquoi un type qui passe toute sa vie à faire des gravures dont la plupart sont, enfin non, une bonne partie, de manière, une partie très connue, et sont des dessins de fantaisie, les prisons, plein de capriches, de projets impossibles, signe tout son travail, entièrement du début à la fin de sa vie, il signe Architetto Veneziano. Giovan Battista Piranesi, jamais graveur. Non, moi je suis architecte. Ce qu'il dit. Bon, il y a un passage qui est drôle et peut-être d'actualité, sans doute en Italie, en France heureusement un peu moins. Il dit « j'avais aucun espoir de pouvoir moi-même faire des architectures autant parfaites que celles de l'époque des Romains, parce qu'il n'y avait pas de boulot, ni des gens, des commettants qui me payaient. » Et puis il dit « Et alors, qu'est-ce que je peux faire ? La seule chose qui me reste à faire, c'est mostrare con disegni, hein, montrer avec le dessin » la perfection de la grande architecture. Et ça, encore une fois, on peut faire un semestre dans une école d'archi autour de ça. Dessin d'architecture, c'est une manière de concevoir, penser les choses. Ce n'est pas de bêtement, une question bêtement esthétique ou formelle ou de décor, un dessin d'architecture. Un joli dessin d'architecture, un joli dessin est un joli dessin. Pour qu'un joli dessin soit aussi un dessin d'architecture, il y a un parcours à faire. Donc le dessin, la figure, on revient à... Oui. La figure comme manière de penser. Alors là, si on veut faire le dernier hommage de notre échange, un grand philosophe italien qui a enseigné Yoav et qui est récemment est mort récemment, Franco Rel a passé toute sa vie à enseigner aux jeunes architectes de Yoav que la figure, ce n'est pas une image innocente, illustrative, ou la simple représentation de quelque chose, donc nouvelle présentation, mais la figure contient en soi, un dessin est figure quand il contient en soi tout un système de tension, et donc un système critique, hein, parce que la critique s'exerce là où il y a des tensions, des contradictions. Et donc par là, on glisse de nouveau vers le lieu où, dans lequel nous sommes et on arrive, on atterrit à la sphère de nouveau. Donc on a commencé par expliquer, enfin tu as très bien expliqué l'intérêt aussi que Einstein portait pour le travail de Piranesi et je pense qu'il est assez évident dans cette multiplicité des regards sur les choses. Et donc nous allons conclure avec une sorte d'hommage toujours par Ada Ackerman. On revient sur notre invitée virtuelle qui est une experte du sujet et qui nous lit donc un court extrait et donc directement écrit par Einstein sur un autre projet, un projet véritablement utopique parce qu'il s'agit de son envie, de son désir de réaliser un livre sphérique. Sergei Eisenstein, le livre sphérique, 5 août 1929, à propos du projet d'écrire méthode. Il est très difficile d'écrire ce livre, car tout livre est en deux dimensions. Or moi, j'aimerais que le mien se distingue par une propriété qui ne peut en aucun cas s'accommoder de la bidimensionnalité de l'imprimé. Mon exigence est double. Tout d'abord, que le bouquet de ces essais ne puisse en aucun cas être envisagé ou appréhendé de manière successive. Je souhaiterais qu'ils soient appréhendés tous ensemble et simultanément, car en définitive, ils forment, à eux tous, une série de segments dans différents champs qui gravitent autour d'un seul et même point de vue qui les caractérise, celui de la méthode. Par ailleurs, je souhaiterais également instaurer, sur un plan purement spatial, la possibilité pour chaque essai d'entrer en interrelation avec chacun des autres, que l'on puisse passer de l'un à l'autre et inversement. Interréférence de l'un à l'autre, interaction de l'un avec l'autre. Une telle pénétration simultanée et mutuelle des essais pourrait se réaliser dans un livre en forme de sphère, où les segments coexisteraient simultanément en une sphère et où, quelle que soit la distance de l'un à l'autre, il serait toujours possible de passer directement de l'un à l'autre à travers le centre de la sphère. Mais hélas, les livres ne s'écrivent pas en sphère. Il faut donc des solutions palliatives. Pour satisfaire la première condition, il nous a fallu déplier la sphère en une surface plane et même ensuite la rassembler en une seule ligne. Il nous a fallu présenter les essais comme découlant l'un de l'autre en dépit de leur autonomie respective. Quant à la deuxième condition, il convient, pour la satisfaire, comme à chaque fois que la forme ne correspond pas, de remplacer cette dernière par un processus, en indiquant, mais seulement là où c'est strictement indispensable, les renvois d'un essai à l'autre dans les deux sens. Reste à tabler qu'un livre qui traite à ce point de la méthode de l'interrelation sera lui-même lu selon cette méthode-là. En attendant le jour où nous aurons enfin appris à lire comme à écrire des livres en forme de sphère tournante. Car des livres bulles de savon, il en existe déjà, et un certain nombre, surtout à propos d'art. Donc un projet impossible, c'est la dernière utopie ou dystopie à laquelle nous nous attaquons. Peut-être tu as envie de... Oui, on avait... quand tu m'as envoyé cet extrait très beau de Eisenstein, je t'avais dit que et oui, c'est un projet impossible si on pense ce morceau en termes d'architecture, d'objet. Par contre, ça devient extrêmement réaliste et terriblement intelligent si on l'imagine, on donne plutôt une lecture, je dirais, gnosiologique ou épistémologique. Enfin, c'est-à-dire, si on se dit qu'au fond, ce que Eisenstein voulait faire, c'était pas un objet, mais proposer une idée de comment fonctionne la connaissance. Et montrer peut-être aussi, commencer une réflexion sur la force qui peut avoir le cinéma pour la connaissance, pour alimenter la connaissance du plus grand nombre. Parce qu'en effet, pour nous, c'est peut-être un peu difficile à imaginer aujourd'hui, mais évidemment, à l'époque d'Eisenstein, l'expérience même du cinéma était une expérience envoûtante. On était, aller au cinéma, c'était être au centre d'une sphère et être pris par un faisceau d'images dont pouvait être difficile même imaginer qu'il y avait une sortie. Le livre sphérique, c'est ce qui nous permet d'apprendre tout en même temps. Mais en effet, nous, l'apprentissage fonctionne comme ça. Nous apprenons tout en même temps, cumulant dans notre tête toutes sortes d'informations, de critiques, d'images. Il y a dans notre tête, en réalité, coprésence et travail perpétuel de tout ce que nous avons appris tout le temps. Et puis, la mémoire, l'intelligence met ordre, active et désactive, non ? Sinon, la mémoire fonctionne comme ça, et c'est une activité. Sinon, si ce n'était pas le cas, tous les psychanalystes devraient être au chômage là tout de suite. Là aussi, peut-être c'est pas mal, ça serait pas mal, mais ce n'est pas encore le cas. Hein? Nous activons et désactivons des choses et nous leur donnons une certaine cohérence, un certain ordre. Hein? Hélas, les livres ne s'écrivent pas ainsi. Hélas, pour écrire un livre, il faut une introduction, un premier chapitre, un deuxième chapitre, un troisième chapitre, et puis des conclusions. On met en ordre, on donne une linéarité à une expérience que, elle, en réalité, n'a rien de linéaire, mais qui est plutôt sphérique. C'est dans la sphère où ce qui compte, ce sont les interrelations. Il arrive même à dire la pénétration d'un essai dans l'autre. Et si l'introduction pouvait pénétrer les conclusions du texte et les conclusions pénétrer le chapitre 3, hein, c'est comme, en effet, bon, on pourrait dire très bêtement, c'est un hypertexte, c'est Internet. Non, pour moi, c'est l'intelligence humaine qui fonctionne comme ça. Dans la sphère, au centre de la sphère, dans ce dedans qui n'a plus de dehors, hein, c'est là que la critique existe. C'est là que la critique existe. Et ça, c'est une énorme... acquisition, me semble-t-il, y compris du point de vue politique. On est habitué à penser qu'être critique, par exemple, vis-à-vis de notre société, de notre présent, de notre actualité, veut dire proposer un point de vue extérieur à ce monde-ci. S'extraire, hein, se, se, se, se défendre, chercher des couches hors du monde. Mais hors du monde, il n'y a pas de critique. La critique, c'est depuis le centre de la sphère, la capacité de crino, faire des partages, prendre des décisions, choisir un champ, se tromper, revenir sur ses pas, recommencer. Ça, c'est la critique. Le reste, c'est l'art de la fuite. Merci Marco sur cette très belle métaphore de la sphère comme image du cerveau humain. Je propose de conclure le plateau d'aujourd'hui. Je voudrais te remercier beaucoup pour ton intervention très fournie et très riche et très imaginaire, je dirais. Et merci à Jules Mercosien pour cette régie parfaite. Et je rappelle que le plateau radio était en direct sur Nob et que nous retrouverons les podcasts en septembre entièrement, à la fois des entretiens en entier dont nous avons pu apercevoir quelques extraits et de cette émission qui s'est déroulée aujourd'hui. Je remercie tous les auditeurs, auditrices qui sont loin ou qui sont ici. Merci.